Vous avez eu de la pluie par chez vous? Où ça, par chez moi? Je vois que vous venez de Dallas. Je peux savoir en quoi ça vous regarde? D'où je viens? Amigo. Je demandais ça comme ça? Vous demandiez ça comme ça? Histoire de passer le temps. Si vous voulez pas bavarder, je vois pas ce que je peux faire d'autre pour vous. Vous voulez autre chose? Je sais pas, vous croyez? J'ai le spleen au bout de ma plume, je suis un signe au fond de la brume qui reste brut et sans fioriture. Laisse le cirage aux impostures qui veulent faire la suture de leurs égaux en boîte, leur politesse sans l'insulte. L'injure peut prendre de bonnes manières, manier le verbe et de peau derrière. Des drames trament nos histoires, hey. Ils se barrent derrière leur rap, font les hommes derrière un staff, comme tous les lâches qui se réclament d'une force qu'ils n'ont pas. Dans mon cœur, je croyais qu'il y avait de la place pour tous, mais j'avoue, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais plutôt que détester tout le monde, je préfère aimer personne. Tout le monde se trompe d'ailleurs, aimant surtout un lui-même. Se raconte mon émerveil, développe sa tirade personnelle pour pas faire mourir le rêve. Et c'est terrible, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je serai encore plus esclave si je ne fais plus tourner la machine? Ou est-ce que je prends conscience justement du clivage dans lequel je me confine? Et je confirme que l'homme accumule l'idée pour se créer un abri, pour avancer dans la vie hostile. Il tâtonne autrui avec des je t'aime et cœur vide, recherche propriété, ce sont des je saigne, je sais. C'est vrai, je ne suis pas venu rigoler, plutôt venu appuyer, car je rappe les dents serrées. C'est vrai que mon son ne fait pas grand chose, fait du bruit plus qu'autre chose, oui je rappe les dents serrées. Allez, y'a lui qui aime, elle n'aime pas, ou bidule qui comprend pas, mais j'en ai rien à branler. C'est vrai que je ne vais rien changer, si au moins j'ai rien fait, voilà pourquoi je rappe les dents serrées. Ça va pas? Quoi? Je sais pas, en général. C'est la question que vous me posez. Est-ce que ça va pas en général? Je rappe les dents serrées, mais les yeux ouverts à la verticale de la ligne verte. Un souffle froid qui se pose sur leur nuque. Un gouffre étroit entre nous et nos buts. Un esprit fort, il relie les deux bouts, les deux pôles en accord, allez, debout. Mais le débat est vite clos quand il vient d'en haut. D'ailleurs c'est peut-être tôt pour écrire libre l'ombre d'un passé effacé de leur livre. Langue anacée, stigmate dans le dos. Fauve en cavale, prédateur dangereux. Sauve ton idéal ou bien revends-le. L'argent rassure dans un monde d'illusions. Des infos sur chiffon, sais-tu ce qu'ils font? La France en 2012 a aussi ses papons. Sur fond de pimpon, chichon et baston. C'est ça ton 20h, il joue au ping-pong. Entre peur et clichés, taisez-vous, cliquez. Allez essuyer votre sueur sur parquet. Je ne les crois plus, ils ont tué King Kong. C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? C'est vrai, je ne suis pas venu rigoler, plutôt venu appuyer, car je rappe les dents serrées. C'est vrai que mon son ne fait pas grand chose, fait du bruit plus qu'autre chose, oui je rappe les dents serrées. Allez, y'a lui qui aime, elle n'aime pas, ou bidule qui comprend pas, mais j'en ai rien à branler. C'est vrai que je ne vais rien changer, si au moins j'ai rien fait, voilà pourquoi je rappe les dents serrées. C'est vrai, je ne suis pas venu rigoler, plutôt venu appuyer, car je rappe les dents serrées. C'est vrai que mon son ne fait pas grand chose, fait du bruit plus qu'autre chose. Oui, je rappe les dents serrées. Allez, y'a lui qui aime, elle n'aime pas, ou bidule qui comprend pas, mais j'en ai rien à branler. C'est vrai que je ne vais rien changer, si au moins j'ai rien fait, voilà pourquoi je rappe les dents serrées. À vous de jouer, annoncé. Et c'est-à-dire qu'il faudrait que je sache ce qu'il y a à gagner? Tout. C'est-à-dire? Vous avez tout à gagner, annoncé. D'accord. Face, alors? Bien joué. La mettez pas dans votre poche. Hein? Pas dans votre poche, c'est votre porte-bonheur. Mais où vous voulez que je la mette? Surtout pas dans la poche. Sinon, elle se mélangerait aux autres et ce serait plus qu'une pièce de monnaie. Ce qu'elle est,